Mason, Stephen Les Elka, Authentic Cartel. J'suis pas rancunier, sinon ça ferait longtemps que j'serais solitaire. Pourtant depuis le début, j'ai toujours été un mec solidaire. Tu sens l'odeur de cette poisse qui nous asphyxie. Ramène ton masque à glace, tonton, c'est pas de la fiction. Mais j'me suis fixé encore et toujours des résolutions. Nouvel échec, mais j'trouve toujours pas la vraie solution. Et n'oublie pas, y'a beaucoup de potes qui ont la mémoire brève et ça m'enlève le sourire. Comme les vieilles blagues à Edouard Baird. Ça parle de trop et beaucoup de gens aiment rire de mon avenir. J'aimerais les contredire, mais j'crois bien que le pire est à venir. Corbori, la drogue m'a offert un corps pour rire sur mon cœur. Y'a la marque du mensonge qui reste incorporé. Mes soucis pour les dissoudre ont besoin de micro et sans pleurs, c'est choquant. Comme devant l'enterrement d'un enfant sans pleurs. La peur du risque, normal tous les jours t'effleure. Le vice dans le cœur de ton fils pousse une petite fleur de lys. Conscience tranquille, faut que ma haine au paradis décolle. Mes carrières ont brûlé, donc s'il vous plaît, me parlez plus d'école. Je voudrais crier que des fois c'est dur de se contenir. La vie c'est difficile, moi j'ai du mal, mais je dois décontenir. J'avais des buts, chaque jour plus proche de l'enfer et des buts. Clairement me bute, je suis déjà dead avant que ma vie débute. Je veux pas dormir, les sentiments plongés dans l'abîme. Me porte ici avec l'espoir avant qu'on l'habille. Mais c'est le cas, le son chaotique, mon Authentic Cartel. Authentic Cartel. Sur ce que je peux dire au micro, je veux estomper mes faux domptés. Le fait que je sois mal dans ma peau, depuis le préau, c'est le fléau. On veut tous brûler des drapeaux, brûler tes étapes pour dire qu'on est capable de faire des dracos. La misère prend de l'ampleur, ma haine, je la braque sur un sampleur. Homme sans cœur, sans peur, le monde serait sans doute meilleur. Je rappe la vérité pour méditer sur ce qui nous arrive. Contrôle abusif, trop corrosif pour des âmes qui dérivent. C'est dur, je t'assure, je cohabite dans la strife avec des dépressifs en cure. C'est pur, je mesure les degrés de mes paroles quand des rappeurs font des ratures. Nature hostile, face à l'oppression de la République, je donne la réplique aux politiques qui répugnent le public. Trop de mauvaise humeur, trop de mauvaise habitude du fumeur qui squatte seul dans sa chambre en attendant que ça soit son heure. Conscience tranquille, faut que ma haine au paradis décolle. Mes carrières ont brûlé, donc s'il vous plaît, ne parlez plus d'école. Je voudrais crier, je te vois si tu peux se contenir. La vie c'est difficile, moi j'ai du mal et je dois détenir. J'avais des buts, chaque jour plus proche de l'enfer et des buts. Clairement le but, je suis déjà tête avant ma vie des buts. Je veux pas dormir, les sentiments plongés dans l'abîme. Je me porte ici avec l'espoir avant qu'on l'habille. Je me porte ici avec l'espoir avant qu'on l'habille. Je me porte ici avec l'espoir avant qu'on l'habille. Je me porte ici avec l'espoir avant qu'on l'habille. Le sort s'acharne, je vis avec une hache au-dessus de ma tête. Y'a pas un jour de la semaine, y'a pas les nuages au-dessus de ma tête. J'ai l'impression que la pression n'arrête pas. Que démon, je n'ai plus foi dans ma voix. Quand je vois que mes prières n'arrêtent pas le démon. La nuit je panique, quand j'entends les voix de tous mes rêves morts. Je dormirai pas la nuit, tant que je verrai pas l'espoir tomber de mort. Mon âme s'endort, en enfer percé par le chant des anges. Réveillé par l'air, jalouse de voir l'amour dans le sang des gens. C'est dur la vie, je suis dégoûté du soir au matin. J'ai tous ceux qui croyaient, la déception pourrait pas m'atteindre. Un bon étoile, mon cœur n'a plus la foi. Mais mes sentiments se cachent pour prier. La déception sur sa vie a juré de redescendre. L'amitié a décelle, souvent finissent tachés par descendre. Mon cœur se meurt, tandis que chez eux l'amour des champs. Mon amertume s'endort, je me mets à souhaiter la mort des gens. 2007, Authentic Cartel, EDR, 11ème section, le fin de cesse, pressoir peu bon. 2007, Authentic Cartel, sur une belle harmonie. Ça c'est pour les vrais, la famille et la belle harmonie. Authentic Cartel, y'a rien.